Yesterday, I explained how to practice Vipassana meditation and sitting meditation. Today, I would like to explain how to practice walking meditation. Our yogis understand how to practice walking meditation, but with respect to our retreat, even though we know how to, even though yogis know how to practice Vipassana meditation and walking practice, we should listen again. So if we may also need to know some instruction for new yogis, they will know how to practice walking meditation. Yogis who have experience a practice, when you listen, you might understand more clearly. That's why today I will explain how to practice walking meditation. Donc hier, j'ai expliqué comment pratiquer Vipassana en posture assise. Et aujourd'hui, je vais expliquer comment pratiquer la méditation en marche. Donc les yogis comprennent comment pratiquer, mais il est toujours bon de réécouter encore une fois les instructions. Les yogis doivent connaître les instructions. Les nouveaux yogis vont pouvoir savoir comment pratiquer la méditation en marche et les yogis qui ont déjà de l'expérience pourraient comprendre plus clairement la façon de pratiquer. C'est pourquoi je vais de nouveau expliquer comment pratiquer la méditation en marche. Selon le Mahasatipatthana Sutta, donc selon l'enseignement du Bouddha, il faut lorsque le yogi va, il doit savoir qu'il va. Lorsqu'il marche, il doit savoir qu'il marche. Gachanti va, gachami ti pajanati. Gachanto va, gachami ti pajanati. Tito va, titat mi pajanati. Nisino va, nisinami pajanati. Sayanova, Sayanami Pajanati, Sayami Pajanati. Selon cette instruction qu'on se base pour pratiquer aussi la méditation en marche. Le yogi devrait tout d'abord se choisir un endroit où il veut pratiquer, une piste de marche qui fait environ 45 ou pardon, qui fait environ 5 ou 8 mètres, 5 ou 10 mètres, disons. Et il devrait éviter de se balader ici et là. S'il le fait, s'il se balade ici et là, il ne sera pas facile pour lui de développer la concentration. Donc une fois qu'il est parvenu à sa piste de marche, il faut qu'il se tienne tout droit, qu'il se tienne debout, faut qu'il garde les yeux vers le bas, mais il ne devrait pas non plus pencher la tête. S'il penche la tête, il pourrait avoir des vertiges ou il pourrait avoir des douleurs aux épaules. Donc il devrait maintenir son corps droit tout en ayant les yeux qui vont vers le bas, qui regardent vers le bas. De cette façon, il ne peut pas voir très loin, il peut juste voir à 1 ou 2 mètres de distance. Il devrait avoir ses mains soit devant lui, les mains jointes, soit devant lui, soit derrière son dos. Et il devrait maintenir son esprit sur les pieds. Pendant la méditation assise, l'objet primaire, c'est l'abdomen. Et pendant la marche, c'est le pied. Alors le yogi peut commencer par pratiquer en faisant une note par pas. Pas droit, pas gauche. Pas droit, pas gauche, jusqu'à ce qu'il atteigne le bout de sa piste de marche. Avant que le pied droit ne touche le sol, le pied gauche commence à bouger. Il ne faut pas noter de façon superficielle, il faut noter du début à la fin. Et l'esprit qui note devrait suivre le mouvement de façon rapprochée. De cette façon, en pratiquant de cette façon, le yogi va développer son attention et il va acquérir la concentration. Une fois qu'il a la concentration, il n'y a plus de pensée vagabonde, il n'y a plus d'imagination, il n'y a plus de vagabondage. Donc le yogi note le mouvement physique, il note chaque pas et de cette façon, il peut développer la concentration. C'est en accordant une attention rapprochée qu'il va développer la concentration. Lorsque vous atteignez la fin de la piste de marche, vous devez vous arrêter et vous notez alors debout, debout, avec attention. Lorsque vous notez debout, debout, vous devez être conscient que vous êtes debout. Vous notez plusieurs fois, 5 ou 6 fois, jusqu'à ce que vous en preniez bien conscience. Vous prenez conscience du fait que vous êtes debout, je suis debout, je suis debout. Lorsque vous notez avec attention, de cette façon, vous serez conscient de quelque chose dans votre corps. Donc, notez avec attention, avec précaution, de façon attentive. Ne tournez pas tout de suite. Attendez, prenez votre temps. Un yogi qui pratique Vipassana doit être tout le temps attentif. Même si vous avez beaucoup d'énergie, parfois on n'est pas très patient, mais vous devez alors vous souvenir que vous êtes un pratiquant de Vipassana et que vous devez être attentif à tout. Notez, tournez, tournez autant de fois que possible jusqu'à ce que vous soyez à nouveau face à votre piste de marche. Et puis de nouveau, notez debout, debout, debout, comme précédemment. Ne commencez pas immédiatement à marcher, soyez patient. C'est de cette façon qu'on développe l'attention. Lorsque vous avez développé l'attention, alors la concentration apparaît. Et lorsque la concentration est là, la compréhension va venir automatiquement. Vous n'aurez pas besoin de la chercher, elle va venir spontanément. La compréhension et la sagesse. Le Bouddha a déclaré, bhikkhu ou yogi, essayez de développer l'attention. Lorsque vous aurez la concentration, la compréhension va venir à vous. La compréhension des choses telles qu'elles sont. Et c'est conformément à cette instruction-là que le yogi se doit de pratiquer avec diligence. Pendant que vous marchez, vous notez pas droit, pas gauche, mais lorsque la prise de note est faible, les pensées vont emporter l'esprit au loin. L'esprit ne va pas rester sur les pieds. Et lorsque vous en prenez conscience, vous devez noter pensée, pensée, pensée. Lorsque vous notez pensée, vous devez vous arrêter de marcher Autrement, parce que vous ne pouvez plus à ce moment-là observer les pas. Donc arrêtez-vous de marcher, notez pensée, pensée. Mais j'encourage les yogis lorsque ils prennent conscience qu'il y a beaucoup de pensées à fournir un plus gros effort, à utiliser leur énergie mentale pour noter les pas. Et s'ils le font, s'ils utilisent plus d'énergie mentale, alors les pensées n'auront aucune chance d'apparaître. Parce que aussi, à l'inverse de la méditation assise, ici, c'est un objet qui bouge. Il y a plus de mouvement et donc ça ne devrait pas poser de problème de suivre ce mouvement. La plupart des yogis aiment bien pour cette raison la méditation en marche. Donc je vous invite, s'il y a des pensées, à déployer plus d'attention, plus de le faire plus soigneusement. Donc ce que je viens de décrire là, c'est la première méthode avec une note par pas. Les débutants devraient pratiquer une note par pas pendant 2 ou 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient capables de suivre le mouvement, de suivre les pas de façon rapprochée sans trop penser. S'il y a encore beaucoup de pensées après 2 ou 3 jours, il faut se dire que notre méditation en marche n'est pas encore assez bonne et continuer la pratique de une seule note par pas. Par contre, si le yogi est capable de noter chaque pas, de noter chaque fois qu'il est debout à la fin de la piste de marche, de noter chaque fois qu'il tourne, alors il aura de l'énergie mentale. S'il est capable de faire, c'est qu'il a déjà développé une énergie mentale et qu'il a développé aussi la confiance. Comment est-ce qu'il développe la confiance? Parce qu'il se dit, je suis capable maintenant de pratiquer la méditation en marche sans penser beaucoup. Et donc la confiance lui vient. Et il ne veut plus manquer un seul pas. C'est ainsi que les yogis progressent. C'est de cette façon-là que les yogis progressent. C'est de cette façon-là que l'attention s'améliore, que l'esprit devient concentré. Le yogi, se sent très paisible. L'esprit n'écoute plus, par exemple, certains bruits qui le perturbaient, tout simplement parce qu'il n'y prête plus attention. C'est de cette façon donc qu'il faut essayer de procéder. Et donc, après que le yogi a ainsi progressé, il fait son rapport à l'interview et le maître de méditation, lui conseille alors de passer à 2 notes par pas, c'est-à-dire de noter lever, poser, lever, poser. C'est de cette façon donc qu'on génère de l'attention, qu'on génère encore plus d'attention, parce que si on pratique 2 notes par pas, il faut utiliser encore plus d'attention, il faut être encore plus attentif. Et le yogi est en mesure de le faire parce qu'il a déjà développé une certaine qualité de l'attention. Et il va ralentir à ce moment-là parce que si le mouvement physique est trop rapide, l'esprit ne pourra pas suivre. Donc c'est en raison de la confiance que le yogi veut voir chaque fois que le pied se lève et qu'il s'abaisse. Donc, quand on fait une note par pas et quand on fait 2 notes par pas, ce n'est pas la même chose. Quand on fait une note par pas, on n'est pas très lent et on n'est pas si doux. On dans nos mouvements. Nos mouvements ne sont pas si doux. Par contre, lorsqu'on note deux phases, lorsqu'on fait deux notes par pas, le mouvement est plus doux. Le mouvement physique devient s'adoucit et par conséquent l'esprit aussi s'adoucit. On a plus de confiance. Ça ne nous embête pas d'être lent parce qu'on en comprend les bénéfices. On comprend les bénéfices de cette lenteur. On sait que dans l'esprit, il n'y a pas ni lobha ni dosa, pas d'avidité et pas de colère. On le sait par nous-mêmes, on connaît cela en nous-mêmes et par nous-mêmes. Il n'y a pas de kilesa, il n'y a pas de pollution mentale à ce moment-là, et on peut aussi le sentir. C'est pour cette raison que les yogis devraient pratiquer de façon respectueuse. Parfois, il n'y a pas beaucoup de pensées quand ils sont concentrés, et parfois même la pensée disparaît avant même qu'ils aient eu le temps de la noter. Donc le yogi pourrait diviser son heure de méditation en marche en deux parties. La première demi-heure, il fait par exemple une note par pas, et la deuxième demi-heure, il fait deux notes par pas. À un moment, donc, les yogis sont capables de tout noter, toutes les phases du pas, les deux phases du pas, lever, baisser, et chaque pas. Et certains yogis sont même en mesure de capter l'intention de bouger, l'intention de lever le pied avant de lever le pied. Ils se rendent compte que si cette intention n'est pas là, ben le pied ne bouge pas. Il n'y a pas de mouvement possible sans une intention qui le précède. La plupart du temps, toutefois, les yogis ne sont pas conscients de cette intention. Mais quand ils sont capables de noter deux phases du pas, ils devraient quand même noter l'intention avant d'entamer leur piste de marche, l'intention de lever le pied. Ils peuvent noter, même s'ils ne voient pas vraiment l'intention, ils peuvent quand même noter deux ou trois fois, intention de lever, intention de lever. Et de cette façon, ils s'entraînent et à un moment, ils percevront l'intention elle-même, ils percevront cette intention mentale elle-même. Non. Mais par contre, il n'est pas nécessaire de noter l'intention avant de baisser le pied, simplement au début de la piste de marche, avant de lever le pied. De cette façon, on s'entraîne, de cette façon, on améliore notre capacité d'attention. Lorsque le yogi est en mesure de noter deux parties du pas, sans problème, et si, par exemple, si une pensée apparaît, il est capable de la capter. Il n'y a pas beaucoup de pensées. Il peut la capter tout de suite. À ce moment-là, le yogi aura de l'énergie mentale. Il ressentira de la satisfaction. Et un type de joie va apparaître. Sorry, Seattle, you said if the yogi can follow closely, a kind of mental energy will arise, satisfaction, and then a kind of some, I didn't understand the word. Oh, so mental energy will arise. Yes. Physical energy and mental energy. Physical energy is not, you will not mind being slow. Be more gentle manner. This means every part of movement, yogis, they are concerned. That's why with the energetic mental energy with the mental energy, they are very careful. And did you say a kind of joy or something like that? Or joy, yes. Joy. Yeah, joy, yes. Satisfaction, with the satisfaction, they will follow. Okay. Donc, à ce moment-là, donc, il n'y a plus de problème de manque de confiance ou d'ennui. Quand le yogi n'est pas encore très concentré, il est possible qu'il manque de confiance ou qu'il s'ennuie. Mais ici, ces facteurs mentaux n'apparaissent plus. Il y a même certains yogis à ce moment-là qui ne veulent plus quitter le centre de méditation, ils veulent rester là. Donc, ne soyez pas déçus si vous n'en êtes pas encore là. Ça peut venir. Donc, le yogi qui est capable de faire deux notes par pas peut éventuellement passer à l'exercice suivant de trois notes par pas. Lever le pied, avancer le pied, poser le pied. Donc, il y a juste une note en plus à faire à chaque pas, la note avancer le pied. Et maintenant, le yogi est bien concentré, donc s'il manque une note, s'il omet de noter, il en prend conscience immédiatement parce que son attention est devenue très forte. Donc, le yogi pratique la méditation en marche selon les instructions. Les yogis qui donc pratiquent trois notes par pas. Pour les yogis qui pratiquent trois notes par pas, il faudrait diviser l'heure de méditation en marche en trois parties de 20 minutes chaque fois. Donc 20 minutes avec une note par pas, 20 minutes avec deux notes par pas et 20 minutes avec trois notes par pas. Pour les yogis qui sont capables d'être attentifs à trois phases à chaque pas. Certains yogis dont l'énergie mentale est très forte peuvent même parfois ressentir qu'une heure passe très vite. Ils ont juste le temps de faire deux ou trois fois la piste de marche parce que chaque pas qu'ils font, chaque mouvement qu'ils font, ils le font de façon très douce, très lente. L'esprit est vraiment très, très paisible. Il est totalement absorbé dans la pratique. Il ne va nulle part ailleurs. Et certains yogis ressentent comme ça, mais ce n'est pas tous les yogis. C'est parfois, certains yogis, ça ne leur pose aucun problème de marcher une heure ou même aussi de méditer une heure assis. Le temps ne leur paraît absolument pas long. Parfois aussi, il y a certains yogis qui racontent au moment de l'entretien, c'est comme si je marchais dans l'air. C'est pas tous les yogis, mais ça arrive. Donc que certains yogis fassent ce type d'expérience. Ils rapportent à l'entretien qu'ils ressentent leur corps comme étant très léger. C'est quand l'attention est très très bonne, mais c'est pas tous les yogis. Et voilà, donc j'encourage les yogis à pratiquer avec diligence et avec énergie. Ça suffit pour aujourd'hui. Puissent tous les yogis être en bonne santé et heureux. Puissent tous les yogis être capables de pratiquer la méditation avec diligence, avec ardeur et avec énergie. Puissent tous les yogis comprendre les dhammas tels qu'ils sont réellement et réaliser Nibbana. Okay, that's enough for today. Okay, now may you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently, ardently, and energetically. Then may you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Thank you.